Livre deuxième. Poésie dans ses rapports avec les hommes. Caractère. Chapitre premier. Caractère naturel. Passons de cette revue générale des épopées aux détails des compositions poétiques. Avant d'examiner les caractères sociaux, tels que ceux du prêtre et du guerrier, considérons les caractères naturels, tels que ceux de l'époux, du père, de la mère, etc. Et partons d'abord d'un principe incontestable. Le christianisme est une religion pour ainsi dire double. S'il s'occupe de la nature de l'être intellectuel, il s'occupe aussi de notre propre nature. Il fait marcher de front les mystères de la divinité et les mystères du cœur humain. En dévoilant le véritable Dieu, il dévoile le véritable homme. Une telle religion doit être plus favorable à la peinture des caractères qu'un culte qui n'entre point dans le secret des passions. La plus belle moitié de la poésie, la moitié dramatique, ne recevait aucun secours du polythéisme. La morale était séparée de la mythologie. Un dieu montait sur son char, un prêtre offrait un sacrifice. Mais ni le dieu ni le prêtre n'enseignaient ce que c'est que l'homme, d'où il vient, où il va, quels sont ses penchants, ses vices, ses fins dans cette vie, ses fins dans l'autre. Dans le christianisme, au contraire, la religion et la morale sont une seule et même chose. L'Écriture nous apprend notre origine, nous instruit de notre nature. Les mystères chrétiens nous regardent, c'est nous qu'on voit de toutes parts. C'est pour nous que le Fils de Dieu s'est immolé. Depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, depuis les apôtres jusqu'au dernier père de l'Église, tout offre le tableau de l'homme intérieur. Tout tend à dissiper la nuit qui le couvre. Et c'est un des caractères distinctifs du christianisme d'avoir toujours mêlé l'homme à Dieu, tandis que les fausses religions ont séparé le Créateur de la créature. Voilà donc un avantage incalculable que les poètes auraient dû remarquer dans la religion chrétienne, au lieu de s'obstiner à la décrier. Car si elle est aussi belle que le polythéisme dans le merveilleux, ou dans les rapports des choses surnaturelles, comme nous essayerons de le montrer dans la suite, elle a de plus une partie dramatique et morale que le polythéisme n'avait pas. Appuyons cette vérité sur des exemples. Faisons des rapprochements qui servent à nous attacher à la religion de nos pères par les charmes du plus divin de tous les arts. Nous commencerons l'étude des caractères naturels par celui des époux. Et nous opposerons à l'amour conjugal d'Ève et d'Adam, l'amour conjugal d'Ulysse et de Pénélope. On ne nous accusera pas de choisir exprès des sujets médiocres dans l'Antiquité pour faire briller les sujets chrétiens. Chapitre 2. Des époux. Ulysse et Pénélope. Les princes ayant été tués par Ulysse, Euryclée va réveiller Pénélope, qui refuse longtemps de croire les merveilles que sa nourrice lui raconte. Cependant, elle se lève et, descendant les degrés, elle franchit le seuil de pierre et va s'asseoir à la lueur du feu en face d'Ulysse, qui était lui-même assis au pied d'une colonne, les yeux baissés, attendant ce que lui dirait son épouse. Mais elle demeurait muette et l'étonnement avait saisi son cœur. Télémaque accuse sa mère de froideur. Ulysse sourit et excuse Pénélope. La princesse doute encore et, pour éprouver son époux, elle ordonne de préparer la couche d'Ulysse hors de la chambre nuptiale. Aussitôt le héros s'écrie « Qui donc a déplacé ma couche? N'est-elle plus attachée au tronc de l'olivier autour duquel j'avais moi-même bâti une salle dans ma cour ?» etc. Il dit et soudain, le cœur et les genoux de Pénélope lui manquent à la fois. Elle reconnaît Ulysse à cette marque certaine. Bientôt, courant à lui tout en larmes, elle suspend ses bras au cou de son époux. Elle baise sa tête sacrée. Elle s'écrie « Ne sois point irrité, toi qui fus toujours le plus prudent des hommes. Ne sois point irrité, ne t'indigne point, si j'ai hésité à me jeter dans tes bras. » Mon cœur frémissait de crainte qu'un étranger ne vînt surprendre ma foi par des paroles trompeuses. Mais à présent, j'ai une preuve manifeste de toi-même, par ce que tu viens de dire, de notre couche. Aucun autre homme que toi ne l'a visitée. Elle n'est connue que de nous deux et d'une seule esclave, Actoris, que mon père me donna lorsque je vins en Ithaque, et qui garde les portes de notre chambre nuptiale. Tu rends la confiance à ce cœur devenu défiant par le chagrin. » Elle dit. Et Ulysse, pressé du besoin de verser des larmes, pleure sur cette chaste et prudente épouse, en la serrant contre son cœur. Comme des matelots contemplent la terre désirée, lorsque Neptune a brisé leur rapide vaisseau, jouet des vents et des vagues immenses, un petit nombre, flottant sur l'antique mer, gagne la terre à la nage, et, tout couvert d'une écume salée, aborde, plein de joie, sur les grèves, en échappant à la mort. Ainsi Pénélope attache ses regards charmés sur Ulysse. Elle ne peut arracher ses beaux bras du cou du héros, et l'aurore aux doigts de rose aurait vu les larmes de ses époux si Minerve n'eût retenu le soleil dans la mer. Cependant Eurynome, un flambeau à la main, précédant les pas d'Ulysse et de Pénélope, les conduit à la chambre nuptiale. Les deux époux, après s'être livrés au premier transport de leur tendresse, s'enchantèrent par le récit mutuel de leur peine. Ulysse achevait à peine les derniers mots de son histoire qu'un sommeil bienfaisant se glissa dans ses membres fatigués et vint suspendre les soucis de son âme. Cette reconnaissance d'Ulysse et de Pénélope est peut-être une des plus belles compositions du génie antique. Pénélope, assise en silence, Ulysse, immobile au pied d'une colonne, la scène éclairée à la flamme du foyer. Voilà d'abord un tableau tout fait pour un peintre, et où la grandeur égale la simplicité du dessin. Et comment se fera la reconnaissance? Par une circonstance rappelée du lit nuptial. C'est encore une autre merveille que ce lit, fait de la main d'un roi sur le tronc d'un olivier, arbre de paix et de sagesse, digne d'être le fondement de cette couche, qu'aucun autre homme qu'Ulysse n'a visité. Les transports qui suivent la reconnaissance des deux époux, cette comparaison si touchante d'une veuve qui retrouve son époux à un matelot qui découvre la terre au moment du naufrage. Le couple conduit au flambeau dans son appartement. Les plaisirs de l'amour suivis des joies de la douleur ou de la confidence des peines passées. La double volupté du bonheur présent et du malheur en souvenir. Le sommeil qui vient par degrés fermer les yeux et la bouche d'Ulysse, tandis qu'il raconte ses aventures à Pénélope, attentive. Ce sont autant de traits du grand maître. On ne les saurait trop admirer. Il y aurait une étude intéressante à faire. Ce serait de tâcher de découvrir comment un auteur moderne aurait rendu tel morceau des ouvrages d'un auteur ancien. Dans le tableau précédent, par exemple, on peut soupçonner que la scène, au lieu de se passer en action entre Ulysse et Pénélope, eût été racontée par le poète. Il n'aurait pas manqué de semer son récit de réflexions philosophiques, de vers frappants, de mots heureux. Au lieu de cette manière brillante et laborieuse, Homère vous présente deux époux qui se retrouvent après 20 ans d'absence et qui, sans jeter de grands cris, ont l'air de s'être à peine quittés de la veille. Où est donc la beauté de la peinture? Dans la vérité. Les modernes sont en général plus savants, plus délicats, plus déliés, souvent même plus intéressants dans leur composition que les anciens. Mais ceux-ci sont plus simples, plus augustes, plus tragiques, plus abondants et surtout plus vrais que les modernes. Ils ont un goût plus sûr, une imagination plus noble. Ils ne savent travailler que l'ensemble et négligent les ornements. Un berger qui se plaint, un vieillard qui raconte, un héros qui combat. Voilà pour eux tout un poème. Et l'on ne sait comment il arrive que ce poème, où il n'y a rien, est cependant mieux rempli que nos romans chargés d'incidents et de personnages. l'art d'écrire semble avoir suivi l'art de la peinture. La palette du poète moderne se couvre d'une variété infinie de teintes et de nuances. Le poète antique compose ses tableaux avec les trois couleurs de Polygnote. Les Latins, placés entre la Grèce et nous, tiennent à la fois des deux manières, à la Grèce par la simplicité des fonds, à nous par l'art des détails. C'est peut-être cette heureuse harmonie des deux goûts qui fait la perfection de Virgile. Voyons maintenant le tableau des amours de nos premiers pères. Ève et Adam, par l'aveugle d'Albion, feront un assez beau pendant à Ulysse et Pénélope, par l'aveugle de Smyrne. Chapitre 3. Suite des époux. Adam et Ève. Satan a pénétré dans le paradis terrestre. Au milieu des animaux de la création, he saw two of far nobler aspect erect and tall of her daughters, Ève. Il aperçoit deux êtres d'une forme plus noble, d'une stature droite et élevée, comme celle des esprits immortels. Dans tout l'honneur primitif de leur naissance, une majestueuse nudité les couvre. On les prendrait pour les souverains de ce nouvel univers. Ils semblent dignes de l'être. À travers leur regard divin brillent les attributs de leur glorieux Créateur, la vérité, la sagesse, la sainteté rigide et pure, vertu dont émane l'autorité réelle de l'homme. Toutefois, ces créatures célestes diffèrent entre elles ainsi que leur sexe le déclare. Il est créé pour la contemplation et la valeur. Elle est formée pour la mollesse et les grâces. Lui pour Dieu seulement. Elle pour Dieu en lui. Le front ouvert, l'œil sublime du premier annonce la puissance absolue. Ses cheveux d'hyacinthe, se partageant sur son front, pendent noblement en boucle, des deux côtés, mais sans flotter au-dessus de ses larges épaules. Sa compagne, au contraire, laisse descendre comme un voile d'or ses longues tresses sur sa ceinture, où elles forment de capricieux anneaux. Ainsi, la vigne courbe ses tendres ceps autour d'un fragile appui, symbole de la suggestion où est née notre mère, suggestion un sceptre bien léger. Obéissance accordée par elle et reçue par lui plutôt qu'exigée. Empire cédé volontairement et pourtant à regret. Cédé avec un modeste orgueil et je ne sais quels amoureux délais pleins de craintes et de charmes. Ni vous non plus, mystérieux ouvrage de la nature, vous n'étiez point caché, alors. Alors, toute honte coupable, toute honte criminelle était inconnue. Fille du péché, pudeur impudique, combien n'avez-vous point troublé les jours de l'homme par une vaine apparence de pureté? Ah, vous avez banni de votre vie ce qui seul est la véritable vie, la simplicité et l'innocence. Ainsi marchent, nus, ces deux grands époux dans Éden solitaire. Ils n'évitent ni l'œil de Dieu, ni les regards des anges, car ils n'ont point la pensée du mal. Ainsi passe, en se tenant par la main, le plus superbe couple qui s'unit jamais dans les embrassements de l'amour. Adam, le meilleur de tous les hommes qui furent sa postérité, Ève, la plus belle de toutes les femmes entre celles qui naquirent ses filles. Nos premiers pères se retirent sous l'ombrage, au bord d'une fontaine. Ils prennent leur repas du soir au milieu des animaux de la création, qui se jouent autour de leur roi et de leur reine. Satan, caché sous la forme d'une de ses bêtes, contemple les deux époux et se sent presque attendri par leur beauté, leur innocence, par la pensée des mots qu'il va faire succéder à tant de bonheur. Très admirable. Cependant, Adam et Ève conversent doucement auprès de la fontaine, et Ève parle ainsi à son époux. « That day I often remember when from sleep her silver mantle threw. » Je me rappelle souvent ce jour où, sortant du premier sommeil, je me trouvais couché parmi les fleurs, sous l'ombrage, ne sachant où j'étais, qui j'étais, quand et comment j'avais été amené en ces lieux. Non loin de là, une onde murmurait dans le creux d'une roche. Cette onde, se déployant en nappe humide, fixait bientôt ses flots, purs comme les espaces du firmament. Je m'avançai vers ce lieu avec une pensée timide. Je m'assis sur la rive verdoyante pour regarder dans le lac transparent qui semblait un autre ciel. À l'instant où je m'inclinais sur l'onde, une ombre parut dans la glace humide, se penchant vers moi, comme moi vers elle. Je tressaillis, elle tressaillit. J'avançai la tête de nouveau, et la douce apparition revint aussi vite, avec des regards de sympathie et d'amour. Mes yeux seraient encore attachés sur cette image. Je m'y serais consumé d'un vain désir si une voix dans le désert, l'objet que tu vois, belle créature, et toi-même. Avec toi, il fuit, il revient, suis-moi, je te conduirai où une ombre vaine ne trompera point tes embrassements, où tu trouveras celui dont tu es l'image. À toi, il sera pour toujours. Tu lui donneras une multitude d'enfants semblables à toi-même, et tu seras appelée la mère du genre humain. Que pouvais-je faire après ces paroles ? Obéir et marcher, invisiblement conduite. Bientôt, je t'entrevis sous un platane. Oh, que tu me parus grand et beau, et pourtant, je trouvais je ne sais quoi de moins beau, de moins tendre, que le gracieux fantôme enchaîné dans le repli de l'onde. Je voulus fuir, tu me suivis, et, élevant la voix, tu t'écrias « Retourne, belle Ève, sais-tu qui tu fuis ? Tu es la chair et les os de celui que tu évites. Pour te donner l'être, j'ai puisé dans mon flanc la vie la plus près de mon cœur, afin de t'avoir ensuite éternellement à mon côté. Ô moitié de mon âme, je te cherche, ton autre moitié te réclame. » En parlant ainsi, ta douce main saisit la mienne. Je cédai, et depuis ce temps, j'ai connu combien la grâce est surpassée par une mâle beauté et par la sagesse, qui seule est véritablement belle. Ainsi parla la mère des hommes. Avec des regards pleins d'amour et dans un tendre abandon, elle se penche, embrassant à demi notre premier père. La moitié de son sein qui se gonfle vient mystérieusement, sous l'or de ses tresses flottantes, toucher de sa voluptueuse nudité la nudité du sein de son époux. Adam, ravi de sa beauté et de ses grâces soumises, sourit avec un supérieur amour. Tel est le sourire que le ciel laisse au printemps tomber sur les nuées et qui fait couler la vie dans ces nuées grosses de la semence des fleurs. Adam presse ensuite d'un baiser pur les lèvres fécondes de la mère des hommes. Cependant, le soleil était tombé au-dessous des Açores. Soit que ce premier orbe du ciel, dans son incroyable vitesse, eût roulé vers ses rivages, soit que la terre, moins rapide, se retirant dans l'Orient par un plus court chemin, eût laissé l'astre du jour à la gauche du monde. Il avait déjà revêtu de pourpre et d'or les nuages qui flottent autour de son trône occidental. Le soir s'avançait tranquille et, par degrés, un doux crépuscule enveloppait les objets de son ombre uniforme. Les oiseaux du ciel reposaient dans leur nid, les animaux de la terre sur leur couche. Tout se taisait, hors le rossignol, amant d'éveil. Il remplissait la nuit de ses plaintes amoureuses, et le silence était ravi. Bientôt, le firmament étincela de vivants saphirs. L'étoile du soir, à la tête de l'armée des astres, se montra longtemps la plus brillante. Mais enfin, la reine des nuits, se levant avec majesté à travers les nuages, répandit sa tendre lumière et jeta son manteau d'argent sur le dos des ombres. Adam et Ève se retirent au berceau nuptial après avoir offert leur prière à l'Éternel. Ils pénètrent dans l'obscurité du bocage et se couche sur un lit de fleurs. Alors le poète, restée comme à la porte du berceau, entonne, à la face du firmament et du pôle chargé d'étoiles, un cantique à l'hymen. Il commence ce magnifique épithalame sans préparation et par un mouvement inspiré à la manière antique. « Hail, watered love, mysterious law, true source of human offspring. » Salut, amour conjugal, loi mystérieuse, source de la postérité. C'est ainsi que l'armée des Grecs chante tout à coup après la mort d'Hector. Nous avons remporté une gloire signalée, nous avons tué le divin Hector. C'est de même que les Saliens, célébrant la fête d'Hercule, s'écrient brusquement dans Virgile, Tu nubi genas in victe, bim ambres, etc. C'est toi qui domptas les deux centaures, fils d'une nuée, etc. Cet hymen met le dernier trait au tableau de Milton et achève la peinture des amours de nos premiers pères. Nous ne craignons pas qu'on nous reproche la longueur de cette citation. Dans tous les autres poèmes, dit Voltaire, l'amour est regardé comme une faiblesse. Dans Milton seul, il est une vertu. Le poète a su lever d'une main chaste le voile qui couvre ailleurs les plaisirs de cette passion. Il transporte le lecteur dans le jardin des délices. Il semble lui faire goûter les voluptés pures dont Adam et Ève sont remplis. Il ne s'élève pas au-dessus de la nature humaine, mais au-dessus de la nature humaine corrompue. Et comme il n'y a pas d'exemple d'un pareil amour, il n'y en a point d'une pareille poésie. Si l'on compare les amours d'Ulysse et de Pénélope à celles d'Adam et d'Ève, on trouve que la simplicité d'Homère est plus ingénue, celle de Milton plus magnifique. Ulysse, bien que roi et héros, a toutefois quelque chose de rustique. Ses ruses, ses attitudes, ses paroles ont un caractère agreste et naïf. Adam, quoiqu'à peine né et sans expérience, est déjà le parfait modèle de l'homme. On sent qu'il n'est point sorti des entrailles infirmes d'une femme, mais des mains vivantes de Dieu. Il est noble, majestueux, et tout à la fois plein d'innocence et de génie. Il est tel que le peignent les livres saints, digne d'être respecté par les anges, et de se promener dans la solitude avec son Créateur. Quant aux deux épouses, si Pénélope est plus réservée et ensuite plus tendre que notre première mère, c'est qu'elle a été éprouvée par le malheur, et que le malheur rend défiant et sensible. Ève, au contraire, s'abandonne. Elle est communicative et séduisante. Elle a même un léger degré de coquetterie. Et pourquoi serait-elle sérieuse et prudente comme Pénélope? Tout ne lui sourit-il pas? Si le chagrin ferme l'âme, la félicité la dilate. Dans le premier cas, on n'a pas assez de désert où cacher ses peines. Dans le second, pas assez de cœur à qui raconter ses plaisirs. Cependant, Milton n'a pas voulu peindre son Ève parfaite. Il l'a représentée irrésistible par les charmes, mais un peu indiscrète et amante de paroles, afin qu'on prévît le malheur où ce défaut va l'entraîner. Au reste, les amours de Pénélope et d'Ulysse sont pures et sévères comme doivent l'être celles de deux époux. C'est ici le lieu de remarquer que, dans la peinture des voluptés, la plupart des poètes antiques ont à la fois une nudité et une chasteté qui étonnent. Rien de plus pudique que leur pensée, rien de plus libre que leur expression. Nous, au contraire, nous bouleversons les sens en ménageant les yeux et les oreilles. D'où naît cette magie des anciens? Et pourquoi une Vénus de Praxitèle, toute nue, charme-t-elle plus notre esprit que nos regards? C'est qu'il y a un beau idéal qui touche plus à l'âme qu'à la matière. Alors le génie seul, et non le corps, devient amoureux. C'est lui qui brûle de s'unir étroitement au chef-d'œuvre. Toute ardeur terrestre s'éteint et est remplacée par une tendresse divine. L'âme échauffée se replie autour de l'objet aimé et spiritualise jusqu'au terme grossier dont elle est obligée de se servir pour exprimer sa flamme. Mais ni l'amour de Pénélope et d'Ulysse, ni celui de Didon pour Énée, ni celui d'Alceste pour Admète, ne peut être comparé au sentiment qu'éprouvent l'un pour l'autre les deux nobles personnages de Milton. La vraie religion a pu seule donner le caractère d'une tendresse aussi sainte, aussi sublime. Quelle association d'idées ! L'univers naissant, les mers s'épouvantant, pour ainsi dire, de leur propre immensité, les soleils hésitant comme effrayés dans leur nouvelle carrière, les anges attirés par ces merveilles, Dieu regardant encore son récent ouvrage, et deux êtres, moitié esprit, moitié argile, étonnés de leur corps, plus étonnés de leur âme, faisant à la fois l'essai de leurs premières pensées et l'essai de leurs premières amours. Pour rendre le tableau parfait, Milton a eu l'art d'y placer l'esprit de ténèbres comme une grande ombre. L'ange rebelle épie les deux époux. Il apprend de leur bouche le fatal secret. Il se réjouit de leur malheur à venir. Et toute cette peinture de la félicité de nos pères n'est réellement que le premier pas vers d'affreuses calamités. Pénélope et Ulysse rappellent un malheur passé. Ève et Adam annoncent des maux près d'éclore. Tout drame pêche essentiellement par la base s'il offre des joies sans mélange de chagrins inouïs ou de chagrins à naître. Un bonheur absolu nous ennuie, un malheur absolu nous repousse. Le premier est dépouillé de souvenirs et de pleurs, le second d'espérances et de sourires. Si vous remontez de la douleur au plaisir, comme dans la scène d'Homère, vous serez plus touchant, plus mélancolique, parce que l'âme ne fait que rêver au passé et se repose dans le présent. Si vous descendez, au contraire, de la prospérité aux larmes, comme dans la peinture de Milton, vous serez plus triste, plus poignant, parce que le cœur s'arrête à peine dans le présent et anticipe les maux qui le menacent. Il faut donc toujours, dans nos tableaux, unir le bonheur à l'infortune et faire la somme des maux un peu plus forte que celle des biens, comme dans la nature. Deux liqueurs sont mêlées dans la coupe de la vie, l'une douce et l'autre amère. Mais, outre l'amertume de la seconde, il y a encore la lie que les deux liqueurs déposent également au fond du vase.